Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Willy Brandt. Devant le monument aux morts des Juifs de Varsovie, où Willy Brandt s'est agenouillé pour demander pardon au nom de l'Allemagne. C'était la culpabilité sur laquelle je voulais attirer l'attention et qui n'est pas forcément terminée avec l'unification de l'Allemagne. Je voulais dénoncer devant les jeunes générations la barbarie dans laquelle un pays avait pu tomber. Willy Brandt était de ces Allemands qui avaient refusé d'emblée le nazisme. Son action de 1933 à 1945 aurait pu le dispenser de son geste à Varsovie en 1970. Il l'a fait au nom de tous ceux qui auraient dû le faire. En l'espèce, il a aussi prouvé sa détermination. Après avoir été le combattant d'une autre Allemagne face à Hitler et ensuite élu de Berlin, l'incarnation de la fermeté face au communisme, son choix en tant que chancelier était le changement par le rapprochement. On appelait ça l'ostpolitik. Dès lors que Brandt croyait une relation de confiance possible, il cherchait à construire des ponts vers l'autre côté. Non qu'il fût naïf, mais il se disait que ce n'était pas la peine de faire de la politique si c'était pour réveiller le salaud qu'il y a en tout homme. Bonjour à vous, Hélène Miard de la Croix. Bonjour. Vous publiez chez Fayard un fort intéressant livre sur Willy Brandt. On avait fêté de son vivant ses 75 ans en Allemagne, en grande pompe. Des fêtes, là, le 11 et le 12 décembre, pour ses 100 ans. Oui, en effet, et Willy Brandt est une de ces personnalités qui est au-dessus des partis maintenant, que tout le monde s'approprie, alors que ça a été un des hommes politiques qui a le plus polarisé. Il a été adoré et il a été absolument détesté par beaucoup d'Allemands. Et à son époque, il a dû essuyer les insultes les plus graves que l'on peut faire à un homme politique, c'est-à-dire d'être un traître. Alors, votre livre commence par un chapitre où on voit un étudiant norvégien qui vit chichement à Berlin. Nous sommes en 1936, il observe de très près tout ce qui se passe dans la ville. Il s'appelle Gunnar Gasland, c'est Willy Brandt, sauf que son vrai nom n'est ni Gasland ni Brandt. En effet, cet homme s'appelle Herbert Frahm, qui est le nom de baptême, en fait, de Willy Brandt, de celui qui deviendra Willy Brandt dans la clandestinité. Et Herbert Frahm est à ce moment-là un jeune homme socialiste, du fond du cœur socialiste, et qui se cache en Allemagne parce que il vient prendre contact avec d'autres socialistes qui se cachent aussi en Allemagne. Mais lui, entre-temps, il a déjà trouvé refuge en Norvège. C'est-à-dire qu'il est parti dès 1933 en Norvège. Il se savait menacé. Il cherchait aussi à pouvoir avoir une activité qui pour lui était la seule possible, c'est-à-dire d'écrire, de faire savoir que la chose n'est pas terminée, bien que les nazis aient pris le pouvoir. Et puis surtout parce que il a la fougue des jeunes, il est socialiste, mais il est surtout très très à gauche chez les socialistes. Il a, dès 1931, quitté le SPD, auquel il avait adhéré très jeune, pour adhérer à un petit groupuscule d'extrême gauche, le SAP. Ce parti a quelques adhérents encore dans l'Allemagne nazie et il essaye depuis la Norvège de prendre contact avec eux, et notamment une des façons de prendre contact avec eux, c'est d'aller passer quelques semaines en Allemagne où il voit très bien ce que c'est que le nazisme. Il va alterner les missions de journalisme et les missions d'action sur différents fronts idéologique, l'Allemagne, l'Espagne, la Tchécoslovaquie. Il va à Paris aussi ? Oui, il va à Paris. C'est là qu'il commence à apprendre le français. Et il apprend le français, il est très doué pour les langues et à Paris, surtout, il est très intrigué parce que 1936, il y a le Front Populaire, il se passe des choses intéressantes et ce sont des questions qui traversent aussi la gauche allemande, puisqu'il fait partie de ces Allemands qui ont tout de suite pensé à ce qu'on va faire après Hitler, qui ont pensé que ce régime nazi ne pourrait pas tenir longtemps, et il essaye, lui, qui est très à gauche du mouvement ouvrier, de réfléchir aux façons de faire gagner, au fond, le bon côté. Sauf que ça veut dire travailler avec les communistes, et dès cette époque il commence à ne pas apprécier beaucoup les méthodes des Staliniens, et en particulier pendant la guerre d'Espagne il est définitivement dégoûté d'une coopération avec les communistes. C'est un faux Norvégien qui va finir par avoir la nationalité norvégienne, c'est un Allemand qui va être déchu de la nationalité allemande par Hitler, mais resté profondément allemand et convaincu qu'il faut montrer qu'une autre Allemagne existe que celle des nazis. C'est en Norvège, en 1940, que le surprend l'expansion de la guerre par Hitler. Les Alliés ont pris toutes les mesures pour interrompre le trafic allemand dans les eaux territoriales norvégiennes. Des champs de mines ont été établis par les flottes françaises et britanniques. Les cargos allemands ne peuvent donc plus faire le trajet du minerai de fer suédois. Le Reich a trouvé là un prétexte suffisant pour occuper le Danemark et attaquer la Norvège après un bref ultimatum repoussé par le gouvernement norvégien. Ce dernier a déclaré la guerre à l'Allemagne, tandis que son armée et sa flotte opposent à l'agresseur une résistance farouche. Oslo, la capitale, a été bombardée. La population civile a été aussitôt évacuée. Le gouvernement s'est transporté à Hamar. Bergen a été occupé par les troupes allemandes, de même que Trondheim. Hitler, jetant le masque, vient de perpétrer un nouveau crime, tandis que sa propagande annonce qu'il prend sous sa protection le Danemark et la Norvège. Willy Brandt est obligé, lui aussi, de quitter Oslo, et au moment où, un peu plus tard, il va être capturé par les Allemands, lui vient l'idée, soufflée d'ailleurs par le petit-fils de Paul Gauguin, vous racontez ça très bien, de prendre l'uniforme norvégien. C'est-à-dire qu'il est devenu norvégien, il s'est installé en Norvège, il travaille avec le parti travailliste norvégien, il est journaliste, il va devenir père de famille, et en effet, il est rattrapé par la Wehrmacht. Et au moment de s'enfuir avec d'autres résistants divers, il retrouve Paul Gauguin, le petit-fils de Paul Gauguin, qu'il avait déjà rencontré en Espagne. Enfin, c'est une vie d'aventure incroyable où il ne cesse de rencontrer des personnalités étonnantes, qui lui dit non, moi je vais rester ici, et il lui donne son uniforme. Et c'est ainsi que Willy Brandt se fait arrêter sous un uniforme norvégien et il est relâché assez rapidement puisque les nazis considéraient quand même que ces nordiques, ils parlaient très très bien norvégien entre-temps, que ces nordiques étaient des bons ariens. Et simplement le fait d'avoir porté l'uniforme norvégien, il le fera une deuxième fois, ça va lui valoir beaucoup beaucoup de critiques. Oui, donc il va passer la guerre en Suède et il va revenir sous l'uniforme norvégien à Berlin en janvier 1947 comme membre de la mission militaire norvégienne. Ce qui fait que constamment, certains de ses amis, je pense à Franz Josef Strauss, le leader de la CSU bavaroise, demandent « Mais, monsieur Brandt, qu'est-ce que vous faisiez exactement entre 1933 et 1945 ?» Et il précise, nous savons ce que nous avons fait, et vous, qu'avez-vous fait? Et là, on est absolument dans tous les non-dits et tout cet implicite de l'après-guerre, les règlements de compte, au fond, où on demande à la population allemande qui a collaboré, qui a suivi, qui a éventuellement été criminel, celui qui a résisté en étant en exil, est au fond considéré comme un mauvais Allemand par la plupart des gens en Allemagne, parce que il a, d'une certaine façon, déserté, il est allé bien vivre à l'extérieur, et c'est facile de dire qu'on a résisté en ayant été à l'extérieur. Et c'est là que se place une espèce de formule de Willy Brandt le traître, qui en plus est arrivé avec un uniforme norvégien parce qu'il était envoyé par son pays d'accueil. 49, député de Berlin. 57, maire de Berlin, membre du comité directeur du SPD, qu'il a réintégré. Le voilà parmi les participants les plus importants d'un congrès décisif de son parti. En 1959, le présentateur du journal de la RTF a du mal à se laisser convaincre par un de ses collaborateurs qu'il faut parler de ce congrès. Philippe Viollet, vous avez choisi un congrès. Oui, il s'agit, à Bad Godesberg, près de Bonn, du congrès du Parti social-démocrate allemand. Le président de ce parti a présenté la nouvelle déclaration de principe sur laquelle le congrès est appelé à se prononcer. L'ancien programme, celui de Heidelberg, datait de 34 ans. Et le président de ce parti a déclaré faire du programme politique de Karl Marx et de Engels la base de nos déclarations de principe de 1959 serait aussi anti-marxiste que possible. Si nous voulons nous en tenir à de telles conceptions, nous ne formerons plus qu'une secte appelée à disparaître. Le congrès de Bad Godesberg a dit M. Alsing Andersen a pour tâche d'adapter le programme et la politique socialiste aux réalités du présent. Il avait raison, le journaliste Philippe Viollet, de vouloir parler de ce congrès décisif. Il n'y a pas eu l'équivalent chez les socialistes français. Il s'agissait de maintenir un caractère de masse à ce parti ouvrier, par l'élargissement. C'est ça, le plus vieux parti d'Allemagne était un parti ouvrier, c'est-à-dire avec une base, un parti de classe, si l'on veut, qui avait encore son patrimoine marxiste. Or, la transformation de la société allemande vers une de plus en plus de classe moyenne et de moins en moins d'ouvriers de l'industrie a conduit les sociodémocrates à être parfaitement réalistes et pragmatiques et dire si nous voulons parler au-delà de la catégorie socio-professionnelle à laquelle nous parlions jusqu'à présent, il faut parler à tout le monde, c'est-à-dire nous ouvrir vraiment vers les soucis des classes moyennes et les soucis des classes moyenne, c'est aussi consommer et être dans le marché et participer à l'économie sociale de marché qui a été importée en Allemagne, inventée en Allemagne, plutôt par les chrétiens démocrates. Donc c'est absolument fondamental, c'est un virage absolument fondamental qui permet notamment aujourd'hui au parti social-démocrate d'entrer probablement dans une coalition avec Madame Merkel. Mais c'est d'autant plus facile pour le SPD d'abandonner la lutte des classes qu'en face... Il y a l'adversaire communiste incarné par la République démocratique allemande telle qu'elle se constitue. Et l'élu de Berlin, qui est Willy Brandt, a une expérience directe de l'affrontement. Blocus imposé par les soviétiques en 48, la répression des grèves ouvrières par les communistes en 53. Et puis, en 61, alors cette fois, il est maire, le nouveau paroxysme de la crise, avec la préparation puis la construction du mur. La porte de Brandebourg, qui pour les Allemands de l'Est symbolisait depuis des années le seuil de la liberté, est redevenue en se fermant le symbole du mur politique qui sépare un même peuple en deux camps. Tandis que s'élevait la frontière des barbelés rouges, les autorités de l'Ouest appelèrent au calme la population. Tout Berlin-Ouest devait peu à peu se rassembler dans une impressionnante manifestation pour la défense de sa liberté. Monsieur le bourgmestre, est-ce que vous estimez que la situation actuelle à Berlin est une situation explosive? Ob die Situation explosiv sein wird, lässt sich im Augenblick nicht übersehen. Sie ist. Il est difficile pour l'instant de savoir si la situation sera explosive, mais en tout cas, ça signifie pour les gens qui habitent ce pays quelque chose d'extrêmement dangereux. Quels sont, monsieur le bourgmestre, les risques que court Berlin-Ouest? Le premier risque, c'est que tout de même, la première étape du plan soviétique pour faire de Berlin-Ouest une ville libre est déjà atteinte, puisque Berlin-Ouest, en somme, est séparé de Berlin-Est. Et alors, maintenant, les Berlinois de l'Ouest se demandent si les soviétiques ne vont pas couper le cordon ombilical, les trois cordons ombilicaux qui rejoignent Berlin-Ouest à l'Allemagne fédérale. Dans quel sens êtes-vous opposé, fermement opposé au projet soviétique de ville libre? Parce qu'il ne s'agit pas d'une ville libre, il s'agit d'une ville qui serait en réalité livrée aux communistes, livrée à Ulbricht. On comprend bien que ça ne serait pas une ville libre. On comprend moins bien aujourd'hui, Hélène Miard de la Croix, le souci qu'avait Willy Brandt, parce que le chancelier Adenauer, et puis beaucoup d'occidentaux aussi, bon, ils incitaient Brandt à un certain... fatalisme. Oui, oui, c'est ça, une certaine modération. Alors déjà, les Occidentaux, et en particulier les États-Unis, Kennedy avait accepté au fond à l'avance, ils étaient d'ailleurs au courant par les services secrets qu'il y avait des préparatifs, et au fond, ce jeune maire de Berlin, faut pas oublier, par rapport au vieux chancelier Adenauer, on le trouve bien agité, on commence à l'appeler d'ailleurs le Kennedy allemand, il est vraiment moderne, et il parle vraiment fort, lui, de sa petite ville, son petit îlot perdu au milieu de la RDA. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que si le chancelier Adenauer n'a pas bougé, et a fait l'erreur, commis l'erreur politique de ne pas venir immédiatement à Berlin, au fond donc en laissant toute la place à Willy Brandt pour se donner un profil d'homme d'État, c'est que Adenauer est un homme du Rhin. Et pour lui, c'est loin, loin au milieu de la Prusse et du Brandebourg, ce Berlin, et il n'a pas vraiment compris à quel point il y avait là plus qu'un symbole, c'est-à-dire que en effet, Berlin ne serait pas devenue une ville libre, elle aurait été avalée par le système soviétique, et pour Willy Brandt, c'est vraiment sa ville, et pour lui qui est anticommuniste depuis longtemps, comme je l'ai dit, il s'agit de ne pas lâcher. Le ministre des Affaires étrangères français, Couvier Murville, dit « Cette affaire mérite un communiqué. Le président américain n'envoie que son vice-président Johnson, mais finit par venir en 63. Willy Brandt va bénéficier de l'aura de Kennedy. » Tout à fait. Willy Brandt a su, il avait un sens politique extrêmement développé et il a parfaitement su mettre en scène cette visite, enfin, de Kennedy. Et c'est là qu'il prononce sa célèbre phrase « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois et donc, comme tous les hommes libres, je me sens habité dans cette ville. Très clairement, Willy Brandt a aspiré une partie de cette aura qu'avait Kennedy. Tous les documents iconographiques qu'on a le montrent. Willy Brandt gagne en stature. Vous aimez bien sa silhouette, hein? Ah, c'est un bel homme. Vous assistez à son iconographie, oui. Oui, mais il a su en jouer, mais surtout, je crois que c'est aussi le moment où ces éléments jouent un rôle de plus en plus important, parce que ça va être le premier vrai chancelier des médias. Avant lui, ils ont essayé, mais lui, il va vraiment devenir le chancelier des médias. Avant de devenir chancelier, il faut qu'Adenauer se retire, il faut que la stratégie d'élargissement du SPD dont vous nous parliez aux classes moyennes porte ses fruits. Tout ça se fait progressivement. 66, les démocrates chrétiens sont obligés dans une grande coalition déjà de faire une place aux sociaux-démocrates. Il est vice-chancelier. 69, il est chancelier. Maintenant, dit-il, Hitler a vraiment perdu la guerre. Et l'année suivante, décembre 70, le voici en visite officielle en Pologne, devant le monument du ghetto de Varsovie. Devant nous, il y avait un mur de journalistes, de photographes, de caméramans. Tout à coup, il y a eu un grand silence. Nous nous sommes approchés. Nous avons tapé sur l'épaule de quelqu'un et avons demandé ce qui se passait. La personne s'est retournée et nous a dit « Il est à genoux ». Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. C'est nicht kein Lied von a Fegeläuf der Frei. Das hat ein Volk zwischen Fahnen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das hat ein Volk zwischen Fahnen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das sag nicht kein Mal, was du gehst dem letzten Weg. Wenn Himmeln bleiene verstellen blaue Tag. Sveta poigt on unser Trat, mir sehnen durch. Kommen wird durch unser ausgebänkte Schor. Sveta poigt on unser Trat, mir sehnen durch. Il était à genoux, comme un enfant. C'est quelque chose qui échappe à toute tentative d'explication rationnelle. Ce geste venait du plus profond de lui-même. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec Hélène Miard de la Croix qui publie un livre sur Willy Brandt aux éditions Fayard. 1970, Brandt, chancelier d'Allemagne fédérale, s'agenouille devant le monument de Varsovie. On a entendu la réaction de quelques témoins polonais. Je pense qu'a été vraiment l'état de l'opinion de la Pologne. Bah, on sait quand même qu'un certain nombre de dirigeants communistes n'étaient pas exempts d'antisémitisme, ni non plus un certain nombre de dirigeants catholiques. Mais... Exactement, et les médias polonais n'en ont pas parlé. Ah bah voilà. Et on s'est plaint en Pologne qu'il ait été se recueillir devant un mémorial de juifs, et qu'alors qu'il y avait eu quand même des Polonais qui avaient été aussi victimes du nazisme. Et alors du côté allemand, vous dites dans votre livre, 41% des Allemands trouvent le comportement de Brandt approprié, 48% exagéré. Exagéré, oui, en effet, parce que ce geste, en fait, tout le monde le comprend. On ne sait pas s'il a été prémédité, il ne l'a jamais vraiment dit. Il a dit que baisser la tête aurait été insuffisant, donc il a fait ce qu'on fait quand les mots manquent. Mais en fait, il a fait, et ça a été très bien dit, c'est quelqu'un qui s'agenouille, qui n'a pas besoin de le faire, et il le fait au nom de tous ceux qui devraient le faire et qui ne le font pas. Alors, peu à peu, il gagne en autorité morale. Il va avoir en 71 le prix Nobel de la paix. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne, elle, atteint l'autorité morale encore. Il faut pour cela aussi qu'elle pratique, dit Willy Brandt, une politique de bon voisinage. C'est comme ça que commence l'ouverture à l'Est, l'Ostpolitik, par la recherche simplement d'un bon voisinage. Oui, enfin, il s'agit aussi de casser une situation dans laquelle on se trouve, qui s'appelle le statu quo, tout simplement, parce que Willy Brandt et ses proches, dès le début des années 60, dès 63, ont compris que personne n'a intérêt, parmi les grandes puissances européennes et mondiales qui sont garantes de l'Allemagne, personne n'a intérêt à ce qu'on change quelque chose. Et qu'au fond, cette Allemagne divisée en deux, ce Berlin divisé, c'est tranquille. Et que donc, si les Allemands ne font rien, il se passera jamais rien. Et l'idée est de dire que si on ne se passe jamais rien, les deux parties de l'Allemagne vont devenir étrangères l'une à l'autre, les populations ne vont plus se connaître. Donc, si l'on veut s'approcher un jour de ce grand espoir que l'on a de se réunifier en des temps, on ne sait lesquels, eh bien, il faut que les gens se connaissent. Et pour se connaître, il faut qu'ils aient des contacts. Et pour qu'ils aient des contacts, eh bien, il faut organiser les choses, puisque jusque-là, on ne se parlait pas. Donc, en 70, je le dis dans le désordre, il y a le voyage à Varsovie, il y a le voyage à Moscou et surtout, je vais dans votre sens, la visite chez le Premier ministre de RDA. Erfurt, que la rencontre de Napoléon et du tsar Alexandre Ier rendit célèbre, a désormais comme autre privilège d'être la ville où, pour la première fois depuis la guerre, les Allemands de l'Est et de l'Ouest se sont réunis autour d'une même table. Nous allons pouvoir suivre le programme de la télévision allemande. À droite, la délégation est-allemande. À gauche, la délégation ouest-allemande. C'est M. Stoff qui a pris la parole le premier. Il a déclaré, à l'ordre du jour de cette réunion figure le règlement permanent et fondamental des relations entre la RDA et la RFA. Il ne pourra se faire que par l'établissement des relations conformes au droit international et sur la base de l'égalité complète. Le chancelier Brandt a répondu en disant que les deux gouvernements doivent rechercher des sujets de discussion d'intérêt mutuel susceptibles d'amener des progrès favorables à la paix et à l'humanité. Le chancelier Brandt a parlé de la question de l'admission des deux États allemands dans les organisations internationales. Il a indiqué que cette question pouvait faire l'objet de futures négociations entre les deux pays, notamment le problème de l'entrée de la RDA et de la RFA aux Nations Unies. L'antagonisme des deux Allemagnes est à ce point important et les problèmes sont si complexes que M. Willy Brandt et M. Willy Stoff n'ont pu qu'exposer leur point de vue au cours de cette réunion sans chercher à régler les questions essentielles du litige. Il est vrai qu'on ne peut en quelques heures régler un contentieux de 25 ans. Résultat ambigu, disent les actualités cinématographiques. Problème complexe, disait Bernard Volcker, grand spécialiste des choses allemandes, dans les médias comme vous, Hélène Mire de la Croix à l'université. Il voulait, Willy Stoff, l'équivalent est-allemand de Willy Brandt, un traité fondamental. Il l'a eu d'ailleurs. Oui, sauf que il n'a pas eu exactement ce qu'il voulait, parce que la RDA voulait une reconnaissance absolue de la souveraineté de la RDA comme un pays étranger à l'Allemagne fédérale, et qu'au fond, il y avait vraiment deux Allemagnes, deux pays, deux nations. Pour l'Allemagne fédérale, c'était absolument impossible d'accepter une telle chose, et Willy Brandt devait vraiment louvoyer, c'est-à-dire il fallait à la fois permettre une forme de reconnaissance de l'existence de ce gouvernement et de ses institutions, sans pour autant leur donner une légitimité. Donc il a fallu trouver un mode de relation qui ait l'air de relation d'affaires étrangères, sans pour autant reconnaître l'autre comme un pays étranger, puisqu'il n'y a qu'une seule nationalité allemande. Parce que lui, il n'aimait pas dire Berlin-Ouest, il n'aimait pas dire RDA, par exemple. On ne disait pas RDA, on disait de l'autre côté, on disait la zone, on disait c'est ça, de l'autre côté. Parce que, comment dire, il y avait un problème de légitimité absolue. Cet État n'avait pas le droit d'exister puisqu'il n'était pas le résultat de la volonté du peuple. Non mais j'insistais sur le fait que la RDA a obtenu quand même des résultats, parce que beaucoup à l'Ouest pensaient que Willy Brandt, c'était pas une politique de détente qu'il menait, c'était une politique un peu naïve. Je vois par exemple dans votre livre, ses propos de Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain de l'époque, qui dit « Oh ben il est bête, il est paresseux, et en plus il boit ». Oui, beaucoup considéraient que, à force de s'approcher des soviétiques, au fond, ça mettait en danger beaucoup d'équilibres européens et que ce petit chancelier allemand ne se rendait peut-être pas compte qu'il était lui-même vraisemblablement manipulé. Enfin, petit chancelier allemand est devenu grand, il est réélu brillamment en 72. Le parti gonfle, d'ailleurs, quand l'essor est trop grand, il y a des fissures. Il est désarçonné aussi par la crise pétrolière qui suit de très peu sa réélection. Il est un peu dépressif, Willy Brandt. Oui, alors c'est un mot qu'il ne faut pas dire. On dira qu'il a des moments de fatigue. Il a des moments de fatigue assez réguliers. On ne sait s'il a besoin de se retrouver ou si vraiment il est au fond de son lit. Mais c'est vrai que la période 73, quand a lieu le premier choc pétrolier, est un moment où les choses vont déjà très mal, parce que on oublie d'évoquer la politique intérieure. Il a lancé énormément de réformes qui sont tout à fait en phase avec la demande de liberté de participation de l'époque. Mais on n'arrive déjà plus à les financer. Et ce coup d'arrêt, au fond, à la à la grande croissance d'après-guerre que va être la crise du pétrole, ça le touche aussi énormément. Il a des difficultés internes extrêmement importantes et il n'est pas particulièrement non plus soutenu par certains dans son parti qui trouvent que c'est un chancelier trop faible. Il a toujours été serré de très près par les services secrets et en 1974, on apprend qu'un membre de son entourage était un espion. On apprend ça grâce aux explorations de l'opération Tango qui débusque l'espion Bois de Rose. Oui, oui, l'espion, il s'appelle Günther Guillaume et c'est un personnage étonnant parce qu'il raconte aussi toute une partie de l'histoire de l'Allemagne d'après 45. Lui-même avait été un nazi, ce Günther Guillaume. On a pu devenir donc un bon communiste après avoir été un nazi. Et surtout, c'est la révélation que on le savait déjà. Que l'Allemagne fédérale était un nid d'espions, c'était surtout vraisemblablement la plus grande concentration d'espions au monde, mais que la RDA ait réussi à infiltrer jusque le cœur du pouvoir. Dans le cabinet du chancelier, c'est très très grave, sauf que, et ça j'essaie de le raconter, on le sait déjà depuis des semaines que cet homme est probablement venu de l'Est, sauf que les services secrets ouest-allemands et la police allemande préfèrent le prendre la main dans le sac, donc on le laisse assez longtemps près du chancelier. Et puis alors vous défendez l'idée que Günther Guillaume avait quasiment cessé d'être un espion parce qu'il était comme vous, fasciné par Willy Brandt. Ah, je ne sais pas s'il était fasciné comme moi, avec le même regard. En tout cas, mai 1974, très vite, quand l'affaire a éclaté, qu'il voit qu'il ne peut pas la contrôler, il préfère démissionner. Christian Bindman. La carrière politique de Willy Brandt a pris fin à minuit, de façon si dramatique et si inattendue que la plupart des ministres de son gouvernement téléphonaient encore à la chancellerie dans la nuit après avoir appris la nouvelle à la radio. Dans sa lettre de démission au président Heinemann, Willy Brandt prend sur lui l'entière responsabilité politique de l'affaire Guillaume. Mais Brandt a décidé de démissionner après cette affaire d'abord parce qu'il a été très déçu personnellement, lui qui s'était fait le champion de la détente Est-Ouest, par ce coup de poignard des Allemands de l'Est dans son dos, et ensuite parce qu'il a été profondément écœuré de voir dans son entourage ceux qui étaient directement responsables de l'engagement de Guillaume à la chancellerie se renvoyer mutuellement au cours des derniers jours. J'ai ressenti le besoin de me rendre sur place moi aussi. Je me suis retrouvée parmi toutes ces personnes qui assistaient à la retraite au flambeau. Brandt était à sa porte, il observait la foule. Son visage semblait totalement pétrifié. Je me souviens m'être sentie très seule et terriblement désemparée. Oh, vous auriez été volontiers aux côtés de cette jeune femme. Oh, j'étais elle trop jeune. De la Croix. J'étais trop jeune. Oui, elle évoque une retraite au flambeau. Ça, c'est une chose très, très habituelle en Allemagne à cette époque qui trouble un peu les Français. En effet, la population et les gens qui l'aimaient beaucoup ont été tellement touchés qu'ils soient ainsi victimes, au fond, de la pire des choses, c'est-à-dire d'un traître au cœur du pouvoir, sont allés lui rendre hommage chez lui le soir avec des lampes, des lumières, des flambeaux. Et c'est très vrai, ce qui est dit aussi dans le reportage, c'est que, au fond, ceux qui étaient vraiment responsables, c'est pas tellement Willy Brandt lui-même, puisqu'on lui avait déjà dit qu'on pouvait avoir des doutes sur lui. Il aurait voulu vraiment déjà, depuis un moment, se débarrasser de cet homme. Simplement, il fallait le laisser là. Et qui aurait pu être responsable? C'était le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il s'appelle M. Genscher. Et il va devenir ministre des Affaires étrangères, qui aura la plus grande longévité avec le successeur de Brandt, qui est Schmitt, et encore avec l'autre successeur, qui sera Kohl. Mais ne soyez pas amer, lui-même ne l'était pas. Il a continué à jouer un rôle de premier plan, comme président du SPD jusqu'en 1987, comme président de l'Inter national socialiste jusqu'en 92, avec toujours cette même volonté, si on dit un mot, de l'international socialiste, d'aller de l'autre côté, d'élargir. Tout à fait. Et je crois que là, en revanche, dans le reportage de l'époque, c'est une erreur de dire que c'est la fin de la carrière politique de Willy Brandt, parce que à partir du moment où il cesse d'être chancelier, il prend encore plus une ampleur internationale dans ses différentes fonctions que vous évoquez. Et en effet, il réalise ce qu'il avait dit depuis l'époque où il était à Oslo, cette idée de la responsabilité des Européens et des socialistes pour apporter leur soutien au pays du sud de l'Europe qui avait eu des dictatures, l'Espagne, le Portugal, et c'est là qu'il va beaucoup travailler avec les Espagnols. Bon, il ne reste plus grand-chose de l'international socialiste aujourd'hui, même si Pierre Mauroy, qui lui a succédé, a fait beaucoup d'efforts. Pierre Mauroy, qui a inauguré une avenue Willy Brandt à Lille, avec une photo barrée de cette citation. « Soyez sûr que lorsqu'une injustice se prolonge, elle ouvre la voie à une suivante. » Merci à vous, Hélène Miard de la Croix. Votre livre sur Willy Brandt aux éditions Fayard. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco, réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Grégory Vallon.